Saint-Michel-en-Grève, mon fils s'en est allé. J'allais au capitaine pour le lui demander. Mon vieux, c'est impossible, c'est mon meilleur soldat. Il a touché sa paye, je ne le rendrai pas. Ma muraille, va t'en voir mon enfant. Va voir s'il est en vie, s'il est au régiment. Bonjour petit Sylvestre, bonjour petit oiseau. Va-t'en dire à mon vieux père que son fils revient bientôt. Le vieux bonhomme pleure couché sur son grand lit. Au loin, les filles chantent la chanson de son fils. Sur le seuil de la porte, la fille s'écoute avec amour. Ne pleure plus, mon père, Sylvestre est de l'amour.